c'est fête, maman. Bonjour, maman. Nous allons inviter pour nous manger. Ensemble. Bonjour, maman. Jodi a se fait pour maman, nous calmons cinéma. Après ça, nous ka al manger dans un bel restaurant. C'est chaque jour levé au travail pour moi ou pas jamais fatigué. Jodi a se moi ka invité ou pour nous al marcher ensemble. Maman, même sous ta wem bien loin, c'est ou qui toujours nan kem. Même si tout le monde t'a laissé, maman ou pap jam quitte mou. Petit moi yo réuni pour faire bel plaisir maman. Mes cadeaux nous portent pour vous. Jodi a c'est fait tout maman. Maman, maman. Jamais oublié ou maman chérie. Jamais oublié ou maman chérie. Maman, maman. Jamais oublié ou maman chérie. Jamais oublié ou y aunque no esté cerca de mí, la llevo en mi corazón. Con nada en el mundo se compara el amor que ya me has dado. Sin ninguna condición, sin esperar nada de mí. 9 meses me tuvo en su vientre, arriesgó su vida por mí. Su cariño me regaló, su tiempo, su vida y su amor. 9 meses me tuvo en su vientre, arriesgó su vida por mí. Su cariño me regaló, su tiempo, su vida y su amor. Mi madre, jamás te olvidaré, mamá, jamás te olvidaré, mamá. Mi madre, jamás te olvidaré, mamá, jamás te olvidaré, mamá. À nous sortir ensemble. Jodi a c'est fête, maman. Martinique, Guadeloupe, Guyane, à Paris, Haïti, dans le monde entier. Toute maman, c'est maman. C'est plus gros fête qui a gagné, c'est fête, maman. Bonjour! Bonjour, maman! Chaque fois que je change au moins loin de vous, moi je sens que je suis déchiré.